Le réveillon de Violette par Edmond Jaloux. Alors, Violette, c'est entendu, dit le duc de Campo Formio, vous réveillerez chez moi demain. La jolie actrice, assise devant sa table à coiffure, à demi vêtue d'un nuage peignoir, passait sur ses lèvres un bâton de rouge. Elle répondit sans se retourner. Oui, mais avec qui ? Eh bien, avec la bande habituelle, Marignan, Pierrefonds, les deux Acabes, le petit Perchin et votre cher auteur, Luca Sperato. C'est entendu. Après un baise-main cérémonieux, le duc de Campo Formio, raide, corseté, le visage peint, gagna la porte. Et quand Violette eut accompli tous les rites mystérieux de cette religion de soi-même, qu'est la coquetterie, quand elle fut habillée, coiffée, prête à sortir, elle eut un moment de découragement et se jeta dans un fauteuil. Réveillonnée chez Campo Formio, quel ennui, Seigneur! Et avec quelles gens? Entendre une fois de plus les rosseries perpétuelles de Marignan, les lourdes plaisanteries de Pierrefonds, voir de nouveau les visages de lépreux des deux Acabes, et les méchancetés, les rires sournois des femmes, leur « ma chère » piailler à tue-tête, ah non, jamais, plutôt se coucher et dormir, ou comme au temps heureux de l'enfance, courir la messe de minuit. Temps heureux de l'enfance, des souvenirs revenaient à Violette, tendres et légers. Et voici qu'elle revoyait le visage de son meilleur ami d'alors, du camarade de ses jeux, de ce Vincent Oustry, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 5 ans et qui, peintre de grand talent, végétait dans la tristesse. Violette court au téléphone, décroche l'appareil, demande un autre peintre de ses amis, arrivé, illustre celui-là. « Allô, le 175-0, c'est vous, Richebert? Vous connaissez bien Oustry, n'est-ce pas? L'avez-vous rencontré hier ?» Ben, il est toujours dans la purée, hein? Comment? Il s'est plaint à vous? Il est seul? Il est grippé? Où demeure-t-il? Merci, merci. À bientôt, Richebert. Venez me voir un de ces jours. Vincent Oustry n'était pas grippé, mais trop triste et trop malheureux pour accepter une invitation, il prenait ce prétexte afin de demeurer chez lui. Ce n'était pas qu'il s'y amusât, ah, Dieu non, mais au moins, il n'ennuyait personne de ses chagrins, de sa pauvreté, et il voyait venir Noël avec horreur. Noël, fête de ceux qui sont nombreux, qui sont heureux. Qu'avait-il à attendre d'une fête, lui qui était maintenant seul au monde et qui ne croyait plus au succès? Il avait cependant décidé de réveillonner, et pour ne pas avoir en face de lui ce 24 décembre, au soir, une place vide, il avait assis à table, dans son vaste atelier, un de ces mannequins en bois articulé, dont se servent les peintres pour étudier les attitudes. Il appelait le sien Darius, il ne savait pourquoi, et en mettant le couvert, il lui parlait gaiement pour se réchauffer l'imagination. « Ici, tu sais, disait-il, on est simple. Je t'invite, Darius, mais ne te mets pas en habit, pas la peine, on est dans l'intimité. Et puis, le réveillon ne te fera pas mal à l'estomac. De la langue froide, un cervelas, qui n'est pas même à l'ail, et une bouteille de faux Bordeaux achetée chez le bistrot du coin. » Ça vaut beaucoup mieux à cause de ton régime. Tu as les articulations raides. Un arthritique comme toi, ça ne doit pas se bourrer de truffes et de champagne. Et puis, tu es déjà naturellement la gueule de bois. Que serait-ce si tu buvais? Darius écoutait, l'air absent, un coude posé sur la table, une jambe croisée. Mais tu ne réponds jamais. Tu es stupide. Si tu continues à être aussi terne que ça, je te ferai inviter à l'Élysée. Oustry en était là de son monologue quand on frappa à la porte. Il alla ouvrir et se trouva en présence d'un domestique en livrée qui portait une gerbe de rose. Oustry commença par déclarer au domestique qu'il se trompait sûrement de quartier, mais ce bouquet était bien pour lui et envoyé par une dame. Le peintre entra, rêveur, dans l'atelier et mit les roses sous le nez de Darius. « Voilà, mon vieux, une femme m'envoie des fleurs. Une admiratrice inconnue, une grande duchesse. C'est coquet, c'est mignon, mais c'est drôle d'envoyer 5 louis de fleurs à un monsieur qui réveillonne avec 3,95 francs. » Et puis on frappa de nouveau, et une femme de chambre mystérieuse se présenta avec un panier, d'où elle sortit un pâté de foie gras, une dinde truffée, une langouste, des bouteilles de champagne. « Tu vois, dit Oustry Darius, je suis l'objet d'un miracle. À mon âge, c'est un peu inattendu, mais c'est flatteur. Du coup, je vais me faire spiritualiste. » Et comme on frappait encore, il s'écria : « Cette fois, c'est le bon Dieu. » Ce n'était pas le bon Dieu, C'était une femme, jeune, blonde, exquise, parfumée, en robe de bal, ornée d'un collier de perles, qui sautait au cou de Vincent et s'écriait « Tu ne me reconnais pas, grand niais ?» Il se reculait pour mieux la voir et, tout en l'admirant, murmurait « Mais ce visage me dit quelque chose. »« Quelque chose, vieille aztèque, mais je suis Violette, Violette d'Exon. » « Je te demande pardon, Violette, si je ne t'ai pas reconnue tout de suite, c'est que tu étais brune quand je te connaissais. »« Il n'y a plus de brune, » déclara péremptoirement Violette. « Je suis blonde, comme tout le monde. Ce soir, mon vieux, je devais dîner avec des gens du monde, alors j'ai pensé à toi, à notre enfance. Et me voici. Ah, coquin, m'aimais-tu en ce temps-là ? Je t'aime toujours, » dit Oustrie en soupirant. « Tu vois bien que j'étais seul, ou plutôt avec Darius. » Il montra le mannequin. « Tu n'es pas jalouse de Darius ?» Ce n'était plus le Vincent Oustrie de tantôt. Il avait le visage animé, les yeux riants. Brusquement, un grand bonheur inattendu entrait dans sa vie. Et gai, faisant des pantalonnades, il sortait des assiettes, des plats, des couteaux, pendant que, très gravement, Violette découpait le poulet et décortiquait la langouste. « Tu te souviens, Violette, de ta vieille tante Baptistine ?» qui ne se promenait jamais, même en été, sans sa chaufferette et son éternel châle de cachemire. Et ta mère Vincent, qui ne voulait pas que tu sortes avec moi, parce que tu étais un petit bourgeois, toi, et que j'étais la fille d'un jardinier. Un fameux bourgeois, et qui serait joli à cette heure sans toi. Ah, allez, tu te souviens, le chapelet de souvenirs gais et tristes que l'on égrène, n'est-ce pas un des plaisirs de la vie et le plus grand plaisir de cet âge où l'on n'a plus de souvenirs que d'espérance, et qui vient si vite. Tu te souviens ? Doux visage qu'on ne reverra pas, et que l'on a aimé plus que la lumière même du soleil. Bonne vieille cloche qui sonne dans la mémoire et appelle les fidèles à la commémoration du passé. Lettres mortes qui se refroidissent en paix dans les tiroirs, fleurs fanées au fond des boîtes. Tu te souviens de nos rêves, de nos conversations de 15 ans, quand tu voulais te faire peintre et moi actrice? « Eh bien, nous le sommes. Oui, mais tu as du talent et aucun succès, et moi le plus grand succès et pas de talent. » Et de rire, et de boire. Ah, que les soucis étaient loin. Ils revoyaient Bandol, le joli port provençal, où ils avaient passé leur enfance, et les champs dorés d'immortels, et la douce clarté du midi, et ils retrouvaient leur amour, leur foi, leur jeunesse, leur enthousiasme, si bien qu'après le réveillon, quand Vincent Oustrie demanda tout bas à Violette, « Est-ce que tu m'aimes encore un peu, Violette ?» Elle lui ferma tendrement la bouche avec un baiser. À quelques jours de là, le duc de Campoformio alla visiter Violette d'Exon dans sa loge et lui reprocha de ne pas être venue chez lui. La jolie actrice surveillait dans la glace le travail de sa coiffeuse. « Je vous demande pardon, cher ami. J'avais oublié de vous dire que j'étais déjà invité. » « Où avez-vous donc réveillonné ?» Violette revit l'atelier d'Oustrie et leurs anciens rêves et leurs jours d'enfance et tant de souvenirs évoqués. Elle se tourna gravement vers le duc et répondit « En famille !» C'était Le réveillon de Violette par Edmond Jaloux.